Chapitre 5. Le père de la colombière revient à Paris et y meurt. Les âmes du purgatoire, 1681-1684. Dieu avait décrété que les deux apôtres de son cœur rendraient leur dernier soupir à Paray-le-Monial. Au mois d'août 1681, le père de la colombière y était revenu, sans autre fonction à remplir que celle de se laisser soigner, car hélas, il était malade à mort. Quelques mois seulement le séparaient de son éternité. La souffrance et l'épuisement lui permettaient à peine de parler. Il put cependant, avant l'hiver, se rendre quelquefois au monastère de la Visitation et revoir ses filles spirituelles, notamment la sœur à la coque. Mais de ces derniers entretiens du frère et de la sœur dans le cœur de Jésus, nous savons bien trop peu pour essayer de les analyser. Ils durent être empreints de ce quelque chose qui sent déjà la consommation des saints en Dieu. Bientôt, il n'y eut plus d'espoir dans l'état du vénéré malade. Il devint évident que le climat de Paray, qu'on avait cru lui devoir être favorable, lui était au contraire nuisible. On parle alors de conduire le père à Lyon, ou même à Vienne en Dauphiné, là où il respirerait l'air natal. On prend toutes les mesures voulues, le voyage est décidé. Un des frères du père de la colombière arrive pour l'emmener le lendemain, 29 janvier 1682. Mais tout devait se faire en secret. Mademoiselle Catherine Ménot de Bizefranc, une de ses pénitentes, apprend cette nouvelle et est tout ensemble à défense de la communiquer. Elle sollicite la permission d'avertir pourtant la sœur à la coque. Ce qu'ayant obtenu, elle se hâte de faire. À cette annonce, sœur Marguerite Marie demande à son amie de dire au père de la colombière de ne point partir, si cela se pouvait sans contrevenir en rien à l'ordre de ses supérieurs. Le message est transmis avec le même empressement, mais le père désire être plus précisément informé des motifs qui font ainsi parler la vénérable sœur. Et, en quelques mots de sa main, il la prie de s'expliquer elle-même davantage par écrit, ce qu'elle fait aussitôt. Sa réponse, immédiatement remise au malade, l'arrêta tout court dans ses projets. Le billet en question portait ces mots, que voici, sans y rien changer, au témoignage des contemporaines. Il m'a dit qu'il veut le sacrifice de votre vie ici. Le père de la colombière resta donc à Paray pour obéir à l'ordre céleste que lui transmettait la sainte, et il y mourut le dimanche 15 février 1682 à 7 h du soir. Le lendemain à 5 h, mademoiselle de Bizefranc revenait au monastère annoncer la mort du saint jésuite à la sœur à la coque qui lui dit d'un ton fort triste : priez et faites prier partout pour lui. Mais sur les 10 h du matin, elle écrit vite à la même, « Cessez de vous affliger. Invoquez-le, ne craignez rien. Il est plus puissant pour vous secourir que jamais. » L'humilité de Marguerite Marie ne pouvait se résoudre à laisser découvrir que ce qu'elle avait écrit au père de la colombière s'était réalisé. En conséquence, elle pria mademoiselle de Bizefranc de retirer son billet. Et le supérieur, le père Bourguignet, s'en étant emparé après la mort du père, répondit qu'il donnerait plutôt toutes les archives de la maison que s'en défaire. Un autre témoignage de la vertu consommée du père de la colombière et de notre sainte est consigné dans le sentiment de la sœur anglaise. Il y est encore question de l'intervention surnaturelle de sœur Marguerite Marie pour retenir le père à Paray où Dieu voulut qu'il mourût. C'est dans ce document que se trouvent les lignes suivantes. Ainsi, notre chère sœur à la coque, et cause que Paray possède ce trésor, puisqu'il est proclamé saint par tout le peuple, bien qu'il ne puisse pas encore être canonisé. On espère qu'avec le temps, il le sera. Mais voulons-nous savoir comment la sœur à la coque reçut le coup douloureux de la mort de son saint directeur? La mère Greffier répond. Quand le révérend père de la colombière mourut, cette chère sœur perdait en lui le meilleur ami qu'elle eut au monde. Elle ne se troubla ni inquiéta nullement, parce qu'elle aimait ses amis pour la gloire de Dieu et pour leur avancement propre en son divin amour, et non pour son intérêt d'elle-même. Mais comme je pris garde qu'elle ne me demandait point de faire pour lui comme pour d'autres des prières et pénitences extraordinaires, je lui en demandai la cause. Elle me répondit d'un air doux et content. « Ma chère mère, il n'en a pas besoin. Il est en état de prier Dieu pour nous, étant bien placé dans le ciel, par la bonté et miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. » Seulement pour satisfaire à quelque négligence qui lui était restée en l'exercice du divin amour, Son âme a été privée de voir Dieu dès sa sortie de son corps, jusqu'au moment qu'il fut déposé dans le tombeau. La mère greffier poursuit. Je ne lui ai jamais ouï regretter, mais ouï bien se réjouir de son bonheur éternel auquel elle prenait part, en rendant grâce au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, de toutes celles qu'il avait faites à ce digne religieux en sa vie et en sa mort. Souvent, les nuits du jeudi au vendredi saint, Sœur Marguerite Marie était, sans le savoir, un sujet d'admiration et d'étonnement pour toute la communauté. Car elle les passait devant le Saint-Sacrement, dans l'attitude d'une âme totalement absorbée en Dieu. Une seule chose avait alors pouvoir sur elle, l'obéissance. Si on venait lui dire « Ma sœur, notre mère vous mande de vous aller chauffer », elle y allait paisiblement pendant un quart d'heure et revenait là où était resté son cœur, parce que là était son trésor. Plusieurs voulurent connaître ce que cette sainte pouvait ainsi faire et penser toute la nuit. Ils le lui demandèrent. À l'une, elle répondit « Je suis si occupée de la passion de notre Seigneur que je ne sais pas si j'ai un corps dans ce temps-là, je ne le sens point. » À l'autre, « Ma chère sœur, je m'occupe pour l'ordinaire des souffrances extrêmes qu'a souffertes notre divin Maître pour nous. D'autres fois, je me veux mal et à tous les pécheurs de nos ingratitudes à son égard. » Mais écoutons encore la mère greffier, elle va nous en apprendre plus long à ce sujet. Je me souviens qu'un jeudi saint, elle sortait d'une longue maladie dont elle n'était pas encore remise, ni approchant. Néanmoins, elle me vint demander par grande miséricorde de veiller le Saint-Sacrement. Je ne vis nulle apparence qu'elle le pût faire, mais pour lui donner quelques consolations, je lui permis de se tenir au cœur depuis 8 heures jusqu'après la procession de la ville. Elle accepta ce premier offre. Et avec beaucoup d'humilité et de douceur, me pria de lui prolonger ce temps, disant qu'elle y serait une partie de la nuit pour moi et l'autre pour nos bonnes amies. C'était ainsi qu'entre elle et moi, elle nommait les âmes du purgatoire. Pour l'intérêt desquelles et pour le mien encore, j'abandonnais la nuit à cette généreuse convalescente, qui ne manqua pas, à 8h30, de prendre sa place au cœur, droit au-dessus du pupitre, et y demeura dès lors à genoux, les mains jointes, sans aucun appui, ni se remuer non plus qu'une statue jusqu'au lendemain à l'heure de prime qu'elle se mit au cœur avec les autres. Vous trouverez chez vous plusieurs témoins de cette vérité. Lorsqu'elle me rendit compte de sa disposition pendant tout ce temps, elle me dit que notre Seigneur lui avait fait la grâce d'entrer en participation de son agonie dans le jardin des Oliviers, et qu'elle avait eu tant à souffrir qu'à tout coup, il lui semblait que son âme s'allait séparer de son corps. Les âmes du purgatoire ont occupé une place trop importante dans la vie de notre sainte, pour ne pas nous arrêter quelque temps sur un sujet si instructif. Notre Seigneur, on le sait, avait comme livrée sa bénie servante à ces pauvres âmes, pour être leur consolatrice et leur victime. On peut dire qu'elle en était habituellement environnée, ses grandes affligées s'adressant à elle en toute confiance, afin d'être secourue. Plusieurs des visions qu'elle en eut sont bien faites pour donner à réfléchir. Elle raconte entre autres celle-ci. Une fois, comme j'étais devant le Saint-Sacrement le jour de sa fête, tout d'un coup il se présenta devant moi une personne tout en feu, dont les ardeurs me pénétrèrent si fort qu'il me semblait que je brûlais avec elle. L'état pitoyable où elle me fit voir qu'elle était en purgatoire me fit verser abondance de larmes. Il me dit qu'il était ce religieux bénédictin qui avait reçu ma confession une fois, qu'il m'avait ordonné de faire la Sainte Communion, en faveur de laquelle Dieu lui avait permis de s'adresser à moi, pour lui donner du soulagement dans ses peines, me demandant pendant 3 mois tout ce que je pourrais faire et souffrir, ce que lui ayant promis, après en avoir demandé la permission à ma supérieure. Il me dit que le sujet de ses grandes souffrances était qu'il avait préféré son propre intérêt à la gloire de Dieu, par trop d'attache à sa réputation. La seconde était le manque de charité envers ses frères, et la troisième, le trop d'affection naturelle qu'il avait eue pour les créatures, et le trop de témoignages qu'il leur en avait donné dans les entretiens spirituels, ce qui déplaisait beaucoup à Dieu. Les 3 mois qui suivirent furent pour Marguerite Marie 3 mois du plus cuisant martyr. Il lui semblait vivre dans le feu, mais ce martyr de flamme eut sa floraison de grâce. Au bout de ce temps comblé de joie et de gloire, le religieux délivré s'en alla jouir du bonheur éternel. Remerciant sa libératrice, il lui promit de la protéger devant Dieu. Les prisons de la divine justice n'étaient pas des lieux fermés pour la confidente du cœur de Jésus. Bien souvent, notre sœur lui faisait voir ce qui s'y passait. Après la mort d'une sœur du monastère, sœur Jeanne-Françoise d'Eltufort de Sirot, Elle fut comme terrifiée par l'apparition et les aveux de la défunte, dont l'agonie avait été effrayante. Sans la Sainte Vierge, son âme eût été perdue. Le démon croyait déjà la tenir entre ses griffes. Révélant à la charitable sœur à la coque ce qu'elle endurait au purgatoire, elle lui dit « Bien que je souffre pour plusieurs choses, il y en a trois qui me font souffrir, plus que tout le reste. La première est mon vœu d'obéissance que j'ai si mal observé, que je n'obéissais qu'en ce qui me plaisait. Et telle obéissance ne sont qu'à condamnation devant Dieu. La seconde est mon vœu de pauvreté, ne voulant pas que rien me manquât, donnant à mon corps plusieurs soulagements superflus. Ah, que les religieuses qui veulent avoir plus que la vraie nécessité, qui ne sont pas parfaitement pauvres, sont odieuses aux yeux de Dieu. La troisième chose, c'est les manquements de charité, et pour avoir causé de la désunion, et en avoir eu avec les autres. Et pour cela, les prières que l'on fait ici ne me sont pas appliquées. Et le Sacré-Cœur de Jésus-Christ me voit souffrir sans compassion, parce que je n'en avais point de ceux que je voyais souffrir. Cette pauvre sœur avait sans doute été une de celles qui persécutèrent la servante de Dieu. Et maintenant, c'est à elle que cette âme infortunée s'adresse pour être soulagée. La charité de sœur Marguerite Marie s'étendait à toutes ces malheureuses détenues de la justice suprême. « Je ne les nomme que mes amies souffrantes », écrit-elle à la mère de Sommez. Priant pour deux personnes qui avaient été en considération dans le monde, elle en vit une condamnée à un long purgatoire. Toutes les prières et tous les suffrages offerts à Dieu pour son repos étaient appliqués aux âmes de quelques familles de ses sujets qui avaient été ruinées par son défaut de charité et d'équité. Rien ne leur étant resté afin de faire prier Dieu pour leurs défunts, le Seigneur avait résolu d'y suppléer ainsi. Un premier jour de l'an, la sainte priait pour trois amies décédées, dont deux étaient religieuses et l'autre séculière. « Laquelle veux-tu que je délivre pour tes entrailles ?» lui dit notre Seigneur. Elle, s'abaissant profondément, le pria de faire lui-même ce choix. Alors il délivra l'âme de la personne séculière, déclarant qu'il avait moins de peine à voir souffrir des âmes religieuses, parce qu'il leur avait donné pendant leur vie plus de moyens de se purifier par l'observance de leurs règles. Les connaissances surnaturelles de la sœur à la coque relativement aux âmes du purgatoire étaient si manifestes que des personnes du dehors venaient s'informer d'elle de l'état de leurs parents décédés. Humblement, la sœur répondait « Est-ce que je sais ce qui se passe en purgatoire ?» Cependant, quelque temps après, elle disait aux uns « Dieu a fait une grande grâce à un tel, il l'a mis dans son paradis, et il n'a été qu'un tel temps dans le purgatoire. » Elle exhortait les autres à continuer leur prière. La femme du docteur Billet, en décédée, apparut à la servante de Dieu. Lui demanda des prières et la chargea de faire savoir à son mari deux choses secrètes concernant la justice et son salut. La mère greffière répugnait à de tels messages et ne voulut rien transmettre de celui-ci. Peu après, nouvelle apparition de la défunte à la sœur à la coque et nouvelle résistance de la supérieure. Mais la nuit suivante, un bruit si horrible se fit entendre dans la cellule de cette dernière qu'elle en pensa mourir d'effroi. Et, revenue à elle, s'empressa d'avertir le docteur. Il semble que la mère greffière n'eut plus rien à souhaiter pour être convaincue de la vérité de toutes les grâces que recevait sœur Marguerite Marie. Mais non, placée de Dieu auprès d'elle pour la passer au crible, si l'on peut ainsi dire, cette virile supérieure va une fois encore exiger preuve sur preuve. Et parce que, dans tout ceci, elle n'est que l'instrument dont l'Esprit Saint se sert pour révéler à tous quelle âme est celle qu'il travaille de la sorte, la mère greffier obtiendra tout ce qu'elle demandera, malgré ce qui semble téméraire dans sa conduite. Voici le fait. Les infirmités de notre sainte furent telles durant toute l'année 1682 qu'elle ne lui laissait pas 4 jours de suite sans l'arrêter. Le 21 décembre, jour de saint Thomas, elle était si faible qu'on aurait pu croire à une mort prochaine. La mère greffier vient trouver la malade à l'infirmerie et lui remet un billet, lui disant de faire ce qu'il contenait. Notre Seigneur avait été le premier à le lui annoncer. Sœur Marguerite Marie ouvre cependant le papier et lit ce qui suit. « Je vous commande, en vertu de sainte obéissance, que vous demandiez à Dieu qu'il me fasse connaître si ce qui se passe et s'est passé en vous depuis que je suis chargée de votre conduite est de son esprit, de son mouvement ou de celui de la nature, et que, signe que le tout est de Dieu, il suspende vos maux corporels pendant l'espace de 5 mois seulement, sans que vous ayez pendant ce temps-là besoin de remède ni de quitter le train ordinaire de la règle. Mais que, si ce n'est pas Dieu, mais la nature qui agit à votre intérieur et extérieur, il vous laisse, selon votre coutume, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Ainsi nous resterons sûrs de la vérité. Rapportant la chose, sœur Marguerite Marie ajoute: l'on me fit donc sortir de l'infirmerie avec des paroles telles que notre Seigneur les inspirait, pour les rendre plus sensibles et mortifiantes à la nature. Je présentai donc ce billet à mon souverain, lequel n'ignorait pas ce qu'il contenait, et il me répondit: je te promets, ma fille, que pour preuve du bon esprit qui te conduit, je lui aurais bien accordé autant d'années de santé qu'elle m'a demandé de moi, et même toutes les autres assurances qu'elle m'aurait voulu demander. Et, droit à l'élévation du Saint-Sacrement, je sentis, mais très sensiblement, que toutes mes infirmités m'étaient ôtées, à la façon d'une robe que l'on m'aurait dévêtue, et laquelle serait demeurée suspendue. Et je me trouvais dans les mêmes forces et santé d'une personne très robuste, laquelle depuis longtemps n'aurait été malade et passait ainsi le temps que l'on avait souhaité, après lequel je fus remise dans les dispositions précédentes. Le 21 mai 1683, les 5 mois étaient révolus. La mère greffier eut lieu d'être satisfaite, puisque tout se passa selon le programme qu'elle avait elle-même dressé. Elle redemanda son billet à sœur Marguerite Marie et y traça les lignes qui suivantes. Ce 25e mai, j'avoue que j'ai remarqué en vous une santé telle que je vous avais recommandé de la demander à Dieu et que, par ce signe manifeste, je dois être persuadée que la bonté et miséricorde incompréhensible du cœur sacré de Jésus est l'autrice de ce qui s'est passé et s'y passe en votre âme jusqu'à présent. Je le veux ainsi croire, mais je vous commande de nouveau de prier Dieu le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, que pour l'amour de lui et encore pour m'affranchir de tout doute, il vous continue la santé jusqu'à l'année complète de cette obéissance première. Passé cela, je vous abandonne à tout ce qu'il voudra faire de votre corps, mais j'ai besoin de ce temps pour mon entière assurance. L'année 1683 fut donc une année de santé pour la servante de Dieu. Mais la priva-t-il pour cela du bienfait sans égal de la souffrance, ou non? Et puisqu'elle était alors plus spécialement donnée aux âmes du purgatoire, la douleur, comme un feu intelligent, semblait réduire en cendres les parties les plus délicates de son être moral. Un tel travail intérieur ne se supporte pas sans d'indicibles peines. Cependant, son âme goûta aussi de célestes consolations, par la vue du bonheur éternel réservé à certaines privilégiées au sortir du purgatoire. Le 5 février 1683, la mère Philiberte Emmanuelle de Montoux, supérieure du premier monastère d'Annecy, mourait saintement. Toutefois, elle avait encore à se purifier avant de paraître devant Dieu. Notre Seigneur montra à sœur Marguerite Marie que les prières et les bonnes œuvres offertes pour cette vénérée mère dans tout l'ordre de la visitation lui apportaient de grands soulagements. Le jeudi suivant, 15 avril, il lui sembla voir cette âme sous le calice qui renfermait l'hostie consacrée et y recevant l'application des mérites de la nuit d'agonie du Sauveur. Le jour de Pâques, elle la revit, bien près d'être entièrement libérée. Enfin, le 2 mai, dimanche du bon pasteur, elle la contempla, allant comme se noyer et s'abîmer dans la gloire, avec une autre défunte qui était du monastère de Paray, sœur Jeanne-Catherine Gacon, décédée le 18 janvier précédent. Montant au ciel, cette chère sœur répétait: l'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour en Dieu se réjouit. La mère Anne-Séraphine Boullier étant morte au monastère de Dijon le 7 septembre 1683, notre sainte ne put s'en attrister, la croyant jouissante de son souverain bien. Elle eut en effet connaissance de la récompense éternelle de cette âme, et un peu plus tard, elle écrivit encore à son sujet: « Je la crois bien haute dans la gloire et dans le rang de ses séraphins, destinée à rendre un perpétuel hommage au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au mois d'avril 1684, la jeune Antoinette Rosalie de Sénécé, élevée au monastère de Paray comme sœur du petit ami, tomba dans un accident d'apoplexie et un sommeil léthargique, qui mirent hors d'espoir de lui pouvoir administrer les derniers sacrements. Toute la communauté qui chérissait cet aimable enfant était dans la consternation. La mère greffier, pour obtenir la grâce que la petite malade recouvra à l'usage de la raison, commanda à la sœur Alacoque de promettre à notre Seigneur ce qui lui montrerait désiré. Elle n'eut pas plutôt accompli cette obéissance que le souverain de son âme l'assura qu'il accorderait la faveur sollicitée, pourvu que je lui promisse 3 choses, lesquelles il voulait absolument de moi, dit-elle. La première, de ne jamais refuser d'emploi dans la religion. La seconde, de ne point refuser d'aller au parloir ni d'écrire, qui était la troisième. À cette demande, je confesse que tout mon être frémit pour grande répugnance et aversion que j'y sentais, et je répondis: ô mon Seigneur, vous me prenez bien par mon faible, mais je demanderai permission, laquelle ma supérieure me donna d'abord, quelque peine que je lui en pusse faire paraître, et il m'en fit faire une promesse en forme de vœux, pour ne m'en pouvoir plus dédire, mais hélas, Combien d'infidélités n'y ai-je pas commises? Car il ne m'ôta pas pour cela de la peine que j'y sentais, qui a duré toute ma vie. Mais la sœur reçut ses sacrements. Il faut noter cependant que parfois cette répugnance de sœur Marguerite Marie pour le parloir avait ses exceptions. La mère greffier nous en donnera un exemple. Le révérend père de la Pérouse, étant venu à Paray, désira de lui parler, la voir, sur l'estime que le révérend père de la Colombia lui avait témoigné faire de cette chère défunte. Et l'ayant entretenue, il me fit l'honneur de me voir quelques jours après pour me remercier de lui avoir donné cette consolation, m'assurant que, sans qu'il eût rien dit à cette vertueuse défunte de ses dispositions, elle lui avait parlé comme si elle avait lu dans son intérieur. Je voulus savoir d'elle si elle avait été bien mortifiée, comme à son ordinaire, lorsque je l'avais fait appeler pour le parloir pour aller près de lui. Elle me répondit d'un air dégagé et gai que non, parce que notre Seigneur lui avait fait connaître que ce religieux était très aimé de son divin cœur. Elle me dit dans une autre occasion, chose à peu près semblable, du révérend père Rollin. À l'Assomption de 1684, la mère greffier achevait à Paray ses 6 années de gouvernement et était élue supérieure à Semur en Auxois. On put lui rendre le témoignage qu'elle avait poussé jusqu'aux dernières limites les expériences qu'elle avait cru devoir faire des voies exceptionnelles de la sœur à la coque. En ce genre, rien ne restait à faire. L'épreuve avait toujours été victorieuse. Cette supérieure pouvait cesser de commander à cette fille d'obéissance, mais elle ne cesserait jamais de l'aimer, ni de croire à la vérité de la mission qu'elle avait reçue de Dieu. Voilà donc encore une âme gagnée au cœur de Jésus, et quelle âme! Déjà, la mère greffier a un nom dans son ordre, et elle est appelée à voir son influence y grandir bien davantage. Après ce mur où elle restera 6 ans, elle sera supérieure au second monastère de Rouen, de 1681 à 1697. Elle finira par l'être au premier monastère d'Annecy de 1700 à 1706, puis de 1712 à 1717, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Ainsi, à l'ombre même des tombeaux des saints fondateurs, elle pourra redire tout ce qu'elle sait de la dévotion au Sacré-Cœur, s'en faisant l'apologiste et l'apôtre. Elle aura de quoi déposer en faveur des révélations de son humble fille de Paray. Et le moment venu, elle n'y faillira pas.